Qu'est-ce qu'elle m'a coûté d'efforts? Alors je l'arrose pensant vivre encore demain. Là où je vais, plus besoin que ma Daytona. Je me prends pas la tête de peur de la perte. J'ai grandi, je crois plus à Noël. La chance c'est moi, c'est comme PGOM. La rue m'a taclé à la Maldini. J'ai le mal de vivre ici, plus rien n'est good, même pas mon oasis. Plus maître de mes jambes, le tapis roulant m'attire vers le triple 6. L'estomac noué par la faim, j'en ai vomi dans la ville. Je vise la sagesse d'habile pour m'éloigner de la jalousie meurtrière habile. À chacun sa richesse de l'âme, à chacun sa tristesse de vie. G, va moi ou l'eau. Hey. Comme le diamant, je veux être éternel. Briller comme fidèle, sans oublier que mon ombre est réelle. Soumise comme celle des infidèles. Comme le diamant, je veux être éternel. Briller comme fidèle, sans oublier que mon ombre est réelle. Soumise comme celle des infidèles. Multimillionnaire, j'ai trouvé mon diamant, c'est ma mère. J'étage mes 40 meufs et je garde que une perle. Même tout seul au milieu de la mer, j'ai pas peur de me perdre. C'est Rothschild, familier, Transat, Kassler. Pète le champagne ce soir, vas-y, c'est la fête. Y'a des mecs, des grosses et même des vieilles. Si DJ met pas ma musique, c'est qu'une tapette. J't'arrose sago quand il mixe dans ta fête. Comme le diamant, j'veux être éternel. Briller comme fidèle, sans oublier comme mon ombre est réelle. Soumise comme celle des infidèles. Comme le diamant, j'veux être éternel. Briller comme fidèle, sans oublier que mon ombre est réelle. Soumise comme celle des infidèles. J'peux rien changer à mon destin. J'ai beau aller où j'veux, j'mourrai où j'dois. J'apprécie ma journée que la nuit tombée. J'ouvre d'insomnie, j'échangerai bien mon matelas d'éponge contre ton sommeil de plomb. J'ai goûté le fond du puits. J'ai su que j'étais cuit. Dès que j'ai senti que le jus avec moi était cru. La tête dure, les poches vides. À mes yeux, l'argent valait mieux que des conseils. Il y a bien longtemps qu'on fait plus rien de Hellen. On aime l'argent que l'économie parallèle. On passe notre temps à remettre. On va flatter notre ego, gringo, y'a rien à gratter à part mon go et le diamant, je veux être éternel. Briller comme fidèle, sans oublier que mon ombre est réelle. Soumise comme celle des infidèles. Comme le diamant, je veux être éternel. Briller comme fidèle, sans oublier que mon ombre est réelle. Soumise comme celle des infidèles. Je veux être éternel. Briller comme fidèle. J'veux être éternel. Briller comme fidèle. Comme le diamant, j'veux être éternel. Briller comme fidèle.